franc sans bas, sans peur de vide, rien ne pourra contrôler où on va. Tant de belles escales se dessinent à l'horizon. And it's worth every second. Just me and you cruising, chasing every sunset. Jamais changer de voix, y'a rien qui nous arrête. Parcourir le monde avec toi, oublier le temps dans tes bras. Embracing every mile while chasing the sunset. Revenir, mais pas trop tard. le reste du temps. Deux amants posés sur des arbres de débutants, en dessous des cieux qui les a juste en faire autant. Tellement de choses ont changé. Mieux que tous les palais de marbre, l'or des sultans, quelques branchages qui nous gardent des mauvais vents. Je ferai tout ce qu'il te tarde, la femme ou l'enfant. Tellement de choses ont changé. Dans nos jardins dérangés, tellement de fleurs allongées, tellement. Sous la lumière orangée, longtemps nos corps mélangés, longtemps. Rien qui mérite qu'on en parle. Rien d'inquiétant, un miroir pour que je me fasse. Tu m'aimes pourtant, plus personne ne nous regarde, ni ne nous entend. Dans nos jardins dérangés, tellement de fleurs allongées, tellement. Sous la lumière. Rien d'important, on pourrait dormir sous les arbres le reste du temps. Le reste du Y croire. Ok, on s'est tourné le dos. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin de tout, sans garde. Caroline Marion, ambassadrice de Saint-Jean-de-Dé. Nous sommes les spécialistes des véhicules d'occasion avec un inventaire de plus de 150 véhicules. Des nouveautés arrivent chaque jour. Venez nous voir dans notre concessionnaire complètement rénové au 1000 rue Douglas et sur le saintjeandedé.com. Jeune homme brillant, il est voué à un grand avenir au sein du Capitole. Coriolanus Snow, le futur président de Panem. Nous te saluons. Mais il doit commencer par faire gagner sa protégée aux Hunger Games. Coriolanus, ne me laisse pas mourir dans cette arène. Et lutter entre sa soif de pouvoir et son amour pour elle. Ce sont toujours les choses auxquelles on tient le plus qui nous détruisent. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. À regarder maintenant sur Crave. Ici Zachary Héroux du Sport Expert de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'été, c'est l'occasion de pratiquer une grande variété d'activités extérieures, dont le vélo et le paddleboard. Passez chez Sport Expert pour trouver tout ce qu'il vous faut. Notre gang passionnée se fera un plaisir de vous servir. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. La Corporation du Fort Saint-Jean, c'est tout ce que vous recherchez. Un centre sportif, un musée, des salles pour toutes les occasions et un service de restauration. Profitez-vous aussi de ce que 350 ans d'histoire militaire nous ont légué. En bordure de Richelieu, sur le site du Collège militaire royal, servirnotreforce.ca. En plus de vendre rapidement votre maison au meilleur prix, l'équipe Cicotte Rémax peut vous aider à connaître la valeur de votre multiplex. Obtenez une estimation gratuite et des conseils d'experts, même pour les immeubles à revenus. Équipesicotte.com. Plus d'expérience pour les meilleurs résultats. Saint-Jean-sur-Richelieu, ciel que ça promet. L'été nous donne des ailes et ce mois-ci, on vous invite à profiter pleinement et à redécouvrir notre vieux Saint-Jean. Pique-nique en main, venez explorer la parenthèse urbaine, notre nouvel espace éphémère. Faites un tour au marché public pour des emplettes hautes en saveur, puis vivez en famille l'expérience culturelle du domaine Trinity et de la programmation estivale Un été chaud. Saint-Jean-sur-Richelieu, sa fourmille d'activités. Laissez-vous inspirer au sjsr.ca/émotion. Vous êtes producteur et aimeriez parfaire vos connaissances en agro-environnement pour développer des pratiques novatrices et saines? L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec offre une série de formations dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. Détails au itaq.ca, onglet plan d'agriculture durable. Durant les mois de juillet et août, c'est la grande vente d'inventaire d'équipements usagés chez Kubota Saint-Jean. Vous recherchez une tondeuse, un tracteur polyvalent, un tracteur agricole, un véhicule utilitaire ou même une excavatrice? Chez Kubota Saint-Jean, vous trouverez l'équipement répondant à vos besoins. Aucune offre raisonnable ne sera refusée. Financement ou location de bail disponible à un taux compétitif. Venez rencontrer notre équipe des ventes dès maintenant. 382 Croisetière Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. KubotaSaint-Jean.ca. Profitez des nouveau forfait Internet illimité de IHR Télécom à partir de seulement $50 par mois. À la maison ou au chalet, restez connectés grâce à un réseau fiable, performant et accessible en tout temps. Avec IHR, pas de compromis à faire. IHR Télécom, connecté à votre nature. Au commencement, la Terre creuse vivait en harmonie avec la surface. Une grande guerre se prépare. Les titans étaient les gardiens de la nature. Et les grands singes sont devenus les protecteurs de l'humanité. Au cœur de laquelle deux grands ennemis se retrouveront. Sur quoi d'autre nous sommes-nous trompés? Pour sauver le monde, ils devront s'élever ensemble ou sombrer seuls. Godzilla et Kong, le nouvel empire. À regarder maintenant sur Crave. Mmh, la plus belle variété musicale. Les plus grands succès des années 80 sont à Boom. Tous les week-ends dès 9h, branchez-vous à Classique 80 avec Louis-Simon Ferland. Que des hits ayant marqué l'histoire de la musique et plusieurs générations. Débutez vos journées de fin de semaine avec des anecdotes, des souvenirs et un peu de nostalgie grâce à Classique 80. 104.1 Boom. Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. On peut ensemble faire de la lumière de contrebande. Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants et des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. Si vous pareil, c'est pas disable de grandir dans un monde jetable. Faut lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière en tout contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire que le noir? Je laisse aux humains les plus tristes les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur. C'est pour que terre vienne de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière contre temps? Dans les heures sombres, cherchant mon souffle et mon élan. Pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en filament? Et si jamais tu perdais pied, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu puis du café, je veux croire en la nature humaine. Secret salé, ton odeur. horizontale au pas. Je veux tes grands yeux plongés dans mon décolleté de soie. Pas besoin d'hôtel 5 étoiles, c'est du passé tout ça. Et le caviar, c'est un banal. J'ai beaucoup mieux pour toi. Oh!

been best near my assistant, I'll be clear now. Mon voisin en haut, c'est un Rastaman. Il m'a invité chez eux, t'as une épluchette de banane. Il y avait ses chums, sa femme, leur soeur pis le frère. Du bien bon monde à voir. J'ai bu du rhum, j'ai presque tombé d'un pommeil. Yo yo yo yo. Il m'a dit, tatoue-en pas si tu sais pas danser. J'ai jamais su comment, j'arrive à 40 ans. Le monde me trouve cool parce que je bouge mes tresses. Puis je fais brûler mes fesses, c'est pas moi qui se fait du stress. Ensemble on a fait des lacets, c'est milliard. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Son ami Jay, ils sont d'un band de reggae. Ils ont commencé par nous rapper des ska. Oui, j'avais mal au bras, à force de claquer les doigts. On n'a jamais jusqu'au lendemain matin avec les voisins. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Si vous invitez chez eux, à l'épluchette de banane. Amenez vos frères, vos soeurs, le champi, le blond, amenez le plus de monde. Vous avez moins du rhum pour tomber des bombes, aïe aïe aïe aïe aïe. Vous allez perdre la sensibilité, aïe aïe aïe aïe aïe. Vous allez jamais jusqu'au lendemain matin avec les voisins. Depuis déjà trop longtemps, la job a revenu Canada. Elle se demande encore comment elle a pu en arriver là. Elle qui rêvait de changer le monde, de vivre libre une vie utile. Bloquait étouffée le ciel gronde dans un bureau du centre-ville. Et ce soir la lueur va essayer, elle a peur de tout le boucan à l'intérieur. Ce soir la lueur va essayer, elle a peur. Elle n'entend plus battre son cœur. Elle n'entend plus battre son cœur. Son mari est tout le temps parti en business aux États-Unis, à la course avec les enfants. Elle veut bien faire, elle n'a pas le temps. Trop fière pour plonger, elle affronte. Elle veut pas s'avouer fragile. Elle retient les larmes qui montent à l'épicerie dans la foule. Et ce soir la lueur va essayer, elle a peur de tout le boucan à l'intérieur. Ce soir la lueur va essayer, elle a peur. Elle n'entend plus. Déjà trop longtemps qu'elle tient tout ça à bout de bras. Je me demande encore combien de temps elle va pouvoir tenir le pas. Quand je la vois passer à l'ombre du grand sol au coin de la rue, elle me sourit une seconde. Toute beauté n'est pas perdue. Mais ce soir, la lueur va s'éteindre. Ce soir, la lueur va s'éteindre. Une époque folle où un rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici-bas.